Le respecté dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu le 23 une lettre de la part des membres du groupe de félicitations des Coréens résidant au Japon. La lettre écrit entre autres « Les cérémonies consacrées au 75e anniversaire de naissance du grand général Kim Jong-il constituent le grand festival politique pour la pérennité du général, mise au jour par la noble fidélité du maréchal Kim Jong-un. » Participant aux cérémonies commencées par la réussite du tir d'essai du modèle Bukusan-2, engin balistique stratégique de moyenne et longue portée sol-sol, nous avons retenu mal notre grande émotion devant la fidélité et l'obligation morale du maréchal qui a fait briller l'anniversaire du général en grand festival pour léguer à jamais les idées et exploits du général père. Grâce au respecté maréchal, grand homme sans égal, la victoire de la Corée du Soleil et la science et le nouvel apogée du mouvement des Coréens résidant au Japon réside dans l'application à outrance des recommandations du général et des instructions ayant valeur de programme du maréchal. C'est là la conviction et la foi invariable retenues dans le cœur au cours de notre séjour dans la patrie. Nous sommes décidés à renforcer davantage l'Association générale des Coréens résidant au Japon, héritage patriotique des grands hommes Baekdusan, en organisation patriotique d'outre-mer de type Chutse, et fidèle à la direction du maréchal. Pour terminer, la lettre a souhaité santé au respecté dirigeant suprême Kim Jong-un.